Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 25 mai 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, ici Martin Pelletier pour le libre journal de la Liberté surveillée. Je reçois ce soir Pierre-Jean Arduin. Bonsoir Pierre-Jean Arduin. Bonsoir Martin Pelletier. Pour son livre « Pourquoi vacciner ? La fin de la vaccination documentée et argumentée ». Alors j'ai commencé par faire une descente en flamme de ce livre. Pierre-Jean Arduin a un défaut qui est commun et à la fois commun et rare. Il est polytechnicien et donc il a quelquefois du mal à faire de la vulgarisation. Il commence son livre en disant que ce livre conviendra aux parents sans bagage scientifique. Oui, avec réserve, comme on disait tout dans le temps sur la code de l'Église catholique. Je ne vais pas rentrer dans le débat, je ne vais quand même pas le massacrer tout à fait. Mais par exemple, je note en page 136 une référence à une courbe bleue. Or, l'impression est en noir et blanc, ce qui est toujours dommage. Et puis, il y a des légendes qui sont bonnes pour des gens qui ont une vue extrêmement perçante, mais pas pour les vieilles gens comme moi. Donc, il y a des choses qui sont quand même un peu difficiles à lire. Cela dit, c'est un livre fort intéressant parce qu'il s'attaque à une question qui est quand même très importante, la vaccination. Et il s'y attaque d'une façon qui est assez... je dirais responsable, c'est-à-dire qu'il présente les arguments des uns et des autres, et il essaye de prendre les choses de haut. Et d'ailleurs, je vais lui demander de faire ce qu'il n'a pas toujours fait dans ce livre. Je vais vous demander, Pierre-Jean Arduin, de commencer par faire de la vulgarisation très simple, très basique, très sûre. Voilà, on ne peut pas parler tout de suite des vaccins. Les vaccins ne sont qu'une partie d'une panoplie dans une politique de santé publique. Alors, est-ce que vous pouvez le situer justement dans ce cadre ? Comment se définit qui décide d'une politique de santé publique et quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer ? Il y a le vaccin, mais je suppose qu'il y a d'autres choses. Oui, alors tout d'abord, merci de m'avoir invité à l'émission. Avant d'oublier, j'en profite pour dire aux auditeurs que je serai en dédicace dans 10 jours, donc le samedi 4 juin, à la librairie française, de 16h à 18h. Et pas de mal à se faire un peu de pub, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Oui, merci. Alors, qui définit la politique de santé publique générale ? Là, j'avoue que ce n'est pas une question que j'ai forcément travaillée. En tout cas... Mais soyez très simple, c'est l'OMS et les différents ministères. Oui, je suppose que c'est les ministères avec des lois qui peuvent être portées à l'Assemblée nationale. Donc on a souvent, par exemple, j'en cite un certain nombre de rapports du Sénat, de l'Assemblée nationale, des commissions qui travaillent là-dessus. Alors il faut savoir que ce n'est pas forcément des gens qui sont calés sur tout. Donc ils vont aller évidemment se référer à ce qu'a pu dire l'OMS. Ils ne vont pas aller éplucher non plus une vingtaine d'articles. Mais ils vont avoir, où il y a par exemple l'INSERM ou l'Institut de veille sanitaire, ça c'est des instituts publics où il y a quand même des gens un peu plus calés là-dessus. Et donc le guide des vaccinations se réfère souvent à ce genre de publication. Non mais ma question est vraiment basique. Alors moi je veux des réponses basiques à mes questions basiques. Par exemple, mettons que je suis le ministre de la santé publique et j'ai un choix. Est-ce que ça vaut le coup de vacciner, ça vaut pas le coup de vacciner ? Est-ce que j'ai d'autres types de prévention ? Comment je choisis ? Alors encore une fois, j'ai pas eu la chance de travailler dans un cabinet ministériel. On peut imaginer que ça va dépendre des ministres. Par exemple, je cite l'exemple de Xavier Bertrand pendant le garde d'asile. Le garde d'asile, qu'est-ce que c'est ? Dites-moi en deux mots ce que c'est. Le garde d'asile, alors c'est un nouveau type de vaccin contre le cancer. En fait, le cancer ne se soigne pas par vaccin. Mais le cancer du col de l'utérus. C'est le cancer du col de l'utérus, cancer anal aussi, etc. Mais oui. on va restreindre à ça. Et c'est la première fois qu'il y a un vaccin qui s'attaque à un cancer, parce qu'en fait, il s'attaque à une des causes du cancer, qui est le papillomavirus. Donc le vaccin va essayer d'empêcher tous les papillomavirus de se développer chez les jeunes filles. Et ainsi, on aura l'impossibilité que le cancer... Il n'y aura pas de lésion, donc il n'y aura pas de cancer ensuite sur ces lésions. Voilà, puisque c'est progressif, etc. Mais en tout cas, ça s'arrêtera à la base, puisqu'il n'y aura pas le vecteur. Alors ça, c'est la version jolie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Xavier Bertrand ? Vous parliez du garde d'asile, on était sur la politique de santé publique. Oui, Xavier Bertrand, en fait, il y avait une commission justement qui était... alors, je ne pourrais pas vous dire qui était dans cette commission, mais ils étaient censés étudier... Est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Parce que le cancer du col, il y a le vaccin qui est arrivé assez tard, donc après les années 2000. Il a été récompensé en 2007 par un prix, mais voilà, c'est quelque chose d'assez récent. Et Il y a peut-être d'autres solutions que le vaccin. Donc, c'est ça, exactement. C'est ça, donc, en fait, il y avait donc ce vaccin, il y avait le frottis. Donc le frottis, c'était ce qui était utilisé d'habitude. Pour le dépistage. Et donc, la commission devait enquêter. Est-ce que vraiment le garde d'asile apporte quelque chose de tangible ? Et il devait rendre, je crois que c'était en 2006 ou 2007, une conclusion en avril. Oui. Et en mars, Xavier Bertrand a dit, en fait, on va autoriser le garde d'asile tout de suite, le plus rapidement possible. Donc, il y avait quoi, 3 semaines à attendre. Et donc, avant d'attendre le rapport des experts, il a dit... pour sauver des vies, on va tout de suite mettre le garde d'asile. Donc là, voilà, on se demande comment... Garde d'asile subito. Alors pourquoi ? Vous avez une explication ? Effectivement, c'est très bizarre de court-circuiter en quelque sorte une procédure normale. Alors, je ne connais pas Xavier Bertrand ni exactement son parcours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un mois après, il a quitté le gouvernement. Donc, je ne sais pas trop pourquoi il a pris cette décision subite. Alors, on peut imaginer qu'il y avait des rapports d'influence ou je ne sais pas, qui avait permis qu'il accède au ministère. En fait, j'en sais rien, je pourrais parler des heures là-dessus. Sur Xavier Bertrand, ce n'est pas évident. Il y a des cas où j'en parle pas mal dans le livre, où il y a plus de doutes. Où il n'y a pas de doute, vous voulez dire ? Disons qu'on peut toujours dire que les personnes sont de bonne foi, que Roselyne Bachelot, par exemple, a été de bonne foi. On peut dire que Roselyne Bachelot est de bonne foi ? En fait, j'ai du mal à comprendre la personne humaine, donc je ne sais pas pourquoi les gens sont amenés à prendre des mauvaises décisions. Et je me dis que ce n'est pas forcément du cynisme, ça peut être de l'ignorance, de la faiblesse, je ne sais pas, il y a mille possibilités, ou peut-être vraiment de la mauvaise foi et un je m'en foutisme. Alors, avant de rentrer dans ce type de dossier... plus précis. Je reste un peu dans votre introduction. Vous parlez, dans votre démarche, de stimuler un désir d'émancipation intellectuelle qui fera dépasser le simple cadre de la vaccination. D'ailleurs, la vaccination, c'est une façon d'exercer votre esprit critique comme parmi d'autres. Alors, oui. Vous pensiez à quel sujet ? Je ne sais pas, l'étude du climat ? Vous avez d'autres... Oui, donc c'est marrant que vous parliez de l'étude du climat. Parce que c'est la... Disons que j'ai commencé à lire à 25 ans, à m'intéresser un peu à autre chose qu'aux 20 minutes. Et c'est un des premiers sujets qui m'a... Retenu. Qui m'a vraiment... qui a retenu mon attention en passant à la FNAC, le CO2, une arnaque planétaire, ou je ne sais plus exactement... Et c'était un polytechnicien qui vulgarisait très bien. Et donc, il m'a un peu titillé là-dessus et j'ai commencé à vraiment regarder plein de sites un peu alternatifs sur cette version-là. Et c'est ça qui m'a poussé un peu à remettre en cause pas mal de choses. Alors, le climat, non, j'en ai pas fait mon cheval de bataille, mais j'ai ouvert un blog Loin du troupeau, justement. Et j'essaye de parler de sujets... ça pouvait être la guerre en Libye, ça pouvait être souvent en rapport avec le traitement médiatique qui est faux. Et donc, le but, c'était vraiment de montrer les preuves que ce qu'on nous disait là-dessus était faux et essayer que les gens s'émancipent et aillent au-delà des journaux qu'ils avaient l'habitude de lire. Vous parlez de la guerre en Libye, mais vous êtes trop jeune pour avoir fait la même chose pour la guerre en Irak, pour la guerre... Vous avez fait peut-être la même chose pour la guerre en Syrie, non ? Bon, la guerre en Irak, c'est assez facile puisque les Français sont... on était du bon côté, on va dire. Donc là, il n'y avait pas trop. Mais la guerre en Serbie, par exemple, les camps de la mort, il y a des vidéos très intéressantes où on voit les barbelés qui ont soulevé le cœur de l'Europe. Et en fait, on voit que les barbelés étaient tout à fait franchissables et que c'était juste un petit camp avec un grillage. Donc c'est intéressant. Et est-ce que vous appliquez cela à l'histoire des colonies, de l'esclavage, de la Seconde Guerre mondiale? Je ne sais pas. Oui, ça peut m'arriver. Je n'ai pas encore osé écrire sur la Seconde Guerre mondiale. Non, mais l'esclavage, les colonies, ne parlons pas de la Seconde Guerre mondiale, s'il vous plaît, à ce micro. Pour moi, disons, je ne suis pas... En fait, l'histoire, c'est vraiment quelque chose de ardu. Et donc, je ne me sens pas du tout calé. J'avais envie éventuellement de faire un article sur la prise de la Bastille, mais des choses peut-être ponctuelles. En fait, le problème, c'est que ma méthode, elle s'attache vraiment à citer des sources qu'on peut vérifier. Et dans le livre, justement, au départ, je n'avais pas vraiment d'idée. Vous êtes informaticien, au départ. Je suis informaticien. Donc, vous citez énormément de sources sur le web. Oui. Et qui sont accessible sans payer, c'est ça le problème? Alors, c'est ça. En fait, donc les sources, une rédaction de l'OMS ou un article du Figaro, bon, ben, ça peut être... Il n'y a pas beaucoup d'articles de journaux, mais ça, c'est vérifiable directement. Après, il y a beaucoup de publications scientifiques. Et donc, le problème des publications scientifiques, on ne va pas rentrer dans le gros sujet, mais c'est que... les chercheurs payent pour être publiés et en plus le lecteur paye pour lire l'article. Et donc je voulais pas payer parce que j'ai plus accès, j'ai fait une thèse mais maintenant j'ai plus les codes. Et donc je voulais que ce soit vérifiable à la fois par moi et par les autres. Par le lecteur, c'est ça. Et par le lecteur, principe, voilà. C'est que le lecteur peut à tout moment tout vérifier. C'est ça. Il y a un millier de notes là qui sont tous référencées. 1100. 1100 à justement des sites internet. Et moi, j'ai fait une recherche sur 3 ou 4, et vous n'avez pas menti sur les 3 ou 4. Donc, mais c'est 4 sur 1000, c'est pas très... J'incite tout le monde à chercher. Voilà. Alors, donc, c'est le principe. Vous allez sur des sites non payants, internationaux, généralement, beaucoup de sites anglo-saxons. Oui, de toute façon, toutes les publications, quasiment, sauf les très vieilles, sont faites en anglais. Oui. Après, j'ai pu aller voir des documents... Parce qu'il y a, en fait, il y a toute une partie sur la vaccination et il y a aussi une partie sur les institutions, les influences publiques dont je parlais et les procès, les amendes. Et donc, par exemple, à un moment, je parle de l'autisme et il y a beaucoup de gens dans les instituts publics qui disent que non, l'autisme n'est évidemment pas causé par la vaccination, mais on peut voir qu'il y a des procès qui donnent raison à des... qui indemnise de très fortes sommes. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, mais donc je suis allé chercher ces preuves et donc il y a des procès en italien, donc j'ai fait un peu de traduction d'italien, mais la majorité c'est anglais-français. Anglophone. Alors, toujours sur vos sources et sur votre méthode, vous parlez de la peur qu'ont les gens d'Internet, ou pas la peur, mais la paresse intellectuelle que ça donne à beaucoup d'entre nous. Il dit, de toute façon, il y a tant de données que je ne pourrais pas trier, donc oui, peut-être, non, je m'en fiche. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'en pense que je trouve ça pas forcément bien, mais comme j'ai été dans cette situation il y a 10 ans, je comprends. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, la guerre en Irak, c'est évident que... que c'est faux. » Et je disais, on peut pas savoir, parce qu'il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Donc c'est un peu, en fait, moins on sait, plus on a tendance à croire qu'on peut pas vraiment trancher. Sauf quand ça nous arrange, parce que quand ça nous arrange, on tranche. On tranche tout de suite. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je pense que ça, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est un peu d'ignorance. La paresse mentale. Et alors, comment faites-vous pour aller contre la méthode? Moi, j'arrive dans la jungle de l'Internet. Comment, avec quelle boussole, je vais pouvoir m'orienter et finir par dire il faut vacciner, il ne faut pas vacciner, ces gens-là sont des corrompus, ces gens-là sont des gens bien. Comment vous avez procédé avec votre lampe de poche Donc, pour la vaccination ou pour n'importe quel sujet Je parle à l'informaticien et aux fréquenteurs de web, là. Alors, moi, j'ai mis du temps. Hein. Et encore, c'est un processus éternel. Et les premiers sites, justement, c'était des sites, on va dire, climato-sceptiques qui, qui disait que non, l'eau n'allait pas forcément monter de 20 mètres demain, je caricature. Et c'est un peu comme ça que j'ai pu trier les sites en allant sur des références de sites et me dire ce site est plus crédible que d'autres. En fait, je pense que la meilleure façon d'avoir de la crédibilité pour un site, c'est de voir ce qu'il a dit avant. Le problème, c'est que, par exemple, jamais aucun journaliste revient sur ses bêtises. Donc, ça, c'est clair. En gros, pour la crise de 2007-2008, on avait du Alain Minc qui nous disait que c'était... ou du Artus, même, un autre polytechnicien, qui nous disait que non, c'était juste un petit soubresaut et que tout allait bien. Et c'est des gens qui ont encore pignon sur rue, qui sont invités, il n'y a pas de problème. Et les gens comme Lordon ou comme Sapir ou Jovanovic, qui, eux, avaient quand même vachement mieux anticipé et expliqué pourquoi. Donc, c'est pas... Parce que les gens ont tendance à croire que s'ils sont trompés... financière. Oui. Ils se disaient, c'est de la chance. En fait, il y en a qui ont dit ça, ils ont eu de la chance de dire oui, l'autre aurait pu dire non. Non, tout était expliqué. Et malgré tout, c'est toujours les mêmes qui sont invités. Donc, c'est-à-dire que l'autorité est plus forte que la raison. Alors... plus puissante, oui, on va dire, c'est ça, oui. Oui, c'est un peu ça. Les gens ne vont pas remettre en cause les journaux de référence. Enfin, ils ont fait leurs preuves, donc c'est évident que... Alors, par contre, s'ils relisaient Le Monde, Libération des années 90, je pense qu'ils auraient un peu mal. Et c'est ce que vous avez fait, vous, ce que vous faites, vous. Vous faites des comparaisons. Oui, alors moi, je n'ai pas besoin de remonter aux années 80-90, mais je vois que ce que dit Le Monde et d'autres journaux sur certains sujets ne me paraît pas juste. Alors, c'est pour ça que quand ils me disent, quand tous les journaux de base connus nous disent que la vaccination c'est très bien et qu'ils ont tous la même phrase ou dépêche AFP ou etc, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment creusé la chose? Donc c'est pas un indice de confiance pour moi. Alors après, on va voir des sites non financés. Alors Le Canard Enchaîné n'est pas financé et pourtant ils n'ont pas du tout la même opinion que Radio Courtoisie ou d'autres choses. Donc après, il faut quand même exercer son esprit critique. D'accord. Alors, j'ai une question bête encore. Pourquoi parler des vaccins? Moi, est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je sais, par exemple, qu'il y a quelques fondus qui sont contre, des Amish, je crois, qui sont contre, et puis qu'il y a quelquefois des effets secondaires désagréables, j'en ai entendu parler vaguement. Mais en gros, c'est obligatoire, certains du moins, ouais. Et puis ça a quand même fait reculer la tuberculose, la variole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche. La coqueluche, c'est pas inintéressant, parce que j'ai un de mes oncles qui a failli en mourir de la coqueluche. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc, sur le fait que, déjà, on ne peut pas lutter parce que c'est obligatoire. Bon, ça, c'est un peu... J'aime pas trop la passivité et l'acceptation de choses iniques. Donc, après, à déterminer si c'est vraiment justifié ou pas justifié. Et... Donc, il y a les trois vaccins qui sont obligatoires en France. On peut se demander, est-ce que c'est une bonne chose? Déjà, je pense que tout parent qui a un peu le soin de son enfant, le souci de son enfant, s'il avait du temps, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à faire autres qu'on n'a pas vraiment le temps de se renseigner. Moi, j'étais parent. On me dit, la vaccination qui est obligatoire pour ça et ça. Vous faites. Je ne discute pas, je le fais. Oui. Alors, il y a, on va dire, je DTP... Je suis toujours parent, mais ils sont plus petits quand même. Et voilà. Oui, je connais votre fils. Et oui. Et donc, on va dire que le DTP, c'est vachement bien. On fait une hypothèse. Le DTP, c'est quoi? Dites. Alors, c'est les trois vaccins obligatoires, c'est diphtérie, tétanos, polio. Et donc, on dit couramment DTP, c'est... en fait, les vaccins, il se peut qu'ils n'aient qu'une valence, c'est-à-dire qu'une maladie ciblée, mais souvent, ils sont regroupés. Et donc, comme le DTP, diphtérie, tétanos et polio sont tous les trois obligatoires en France, on ne va pas faire des vaccins... tétanos, diphtérie, comme en Espagne ou en Italie, ça n'a pas... On les met ensemble. Autant les mettre ensemble, et c'est plus facile à fabriquer. Ils sont trivalents dans ce cas. Ils sont trivalents. J'ai bien compris. Voilà, alors. C'est ça. Et en fait, donc ça c'est tous les enfants sont quasiment à 100% vaccinés là-dessus. On a rajouté la coqueluche, donc on avait des tétravalents. Parce que la coqueluche, il y a des gens qui en mouraient, comme votre oncle, je suis désolé. Il n'en est pas mort. Il ouf. Failli. Ah bah donc il n'est pas dans les stats. Non, il n'est pas dans les stats. Mais il est mort depuis. Ah, bon. Et donc, on rajoute un peu comme ça, parce que... alors, je ne sais pas si c'est un souci de santé publique ou si c'est de se dire, tiens, le vaccin coqueluche se vend moins bien. Mais en tout cas, il se trouve que voilà, c'est devenu à 4. Et après, on a eu les pentavalents. Donc, on a rajouté hémophilus influenzae. Donc, ça, c'est quelque chose dont on parle un peu moins. Mais donc, les petits bébés à 2, 4 et 6 mois, ils ont obligation de faire une fois le DTP, une deuxième fois, une troisième fois le DTP. D'accord. Et donc, en fait, comme on leur propose pas le vaccin DTP, on leur dit il y a un pentavalent et ça sonne vachement bien. C'est un peu plus cher, évidemment, mais ils vont le faire. Et comme vous dites, ils croient leur pédiatre, parce que les pédiatres, ils sont médecins, ils ont fait plein d'études et ils savent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait énormément de vaccinologie, je suppose. La majorité des cursus, c'est 2 heures de vaccinologie dans tout un cursus de médecine. Après, ils ont vu 1000 patients de plus que moi, ils ont certainement une meilleure opinion. Et donc, pourquoi se battre? C'était la question de base. Oui. Parce que les pentavalents, maintenant, on a rajouté un hexavalent. Bah déjà, le pentavalent, je trouve ça un peu violent de se faire vacciner sur 5 choses sans vraiment avoir le choix. Et là, on a rajouté l'hépatite B qui a beaucoup fait parler parce que l'hépatite B, on la soupçonne d'être responsable de cas de sclérose en plaques, le vaccin, pas l'hépatite B. Et donc, on se dit, est-ce que c'est vraiment la peine que je vaccine mon bébé, moi j'ai pas l'hépatite B, je suis blanc parce que c'est en général pas les blancs qui sont touchés, j'ai pas de partenaire multiple, donc pourquoi mon enfant de 2 mois il aurait vraiment tant de chance que ça alors que je vois qu'il y a 65% d'augmentation de sclérose en plaques depuis qu'il y a eu la vaccination massive, et donc ça inquiète beaucoup les parents. Et puis ça, c'est pas juste de la théorie, c'est que après il y a des gens, ils font des corrélations, c'est-à-dire vous voyez votre bébé, il va bien, il sourit, il commence à marcher, il commence à faire des choses, à se retourner. Vous lui faites un vaccin et il a une forte fièvre, bon, on va dire que c'est normal. Et après, vous voyez des sortes de régressions ou des maladies qui... Alors, les gens vont dire que c'est pas de chance, mais les parents, voilà, eux, c'est normal qu'ils se disent non, c'est pas que du pas de chance. Et en plus, il y a plein de gens comme moi qui disent que... Et en plus, il y a des articles scientifiques, bon, là, ils vont pas jusque-là. Mais donc, l'intérêt de se battre, c'est que pas tous les vaccins sont obligatoires et les vaccins seulement recommandés... Et bien au final, on nous les fait passer à fond. Et aux crèches, c'est pareil. On nous dit « Quoi, vous n'avez pas fait la coqueluche ?» Mais non, vous devez absolument faire la coqueluche, sinon vous ne rentrez pas. Alors là, il faut avoir un sacré... J'ai un ami comme ça, il s'est bien renseigné et il a bien recadré la dame. Et au final, il a eu son enfant en crèche. Mais c'est quand même un parcours du combattant et c'est vraiment la dernière des préoccupations des parents, en fait. Alors, on va essayer de se renseigner. On va essayer de ne pas tout traiter en même temps. Oui. Parce que il y a les multivalences, il y a le fait qu'il y ait des effets secondaires tout à fait désagréables. On va essayer d'aller pas à pas pour l'auditeur. Une observation d'auditeur. Monsieur Martin Pelletier, vous devriez modérer votre agressivité envers votre invité. Cet humour agressif peut laisser penser que vous êtes un stipendier des labos pharmaceutiques. Allons bon. Moi, ça me fait rigoler parce que vous m'aviez préparé, mais sinon, j'aurais été choqué. Le stipendier par les labos. Mais je ne pense pas que vous soyez stipendier. Je ne serai pas Radio Courtoisie, je serai sur la Côte d'Azur avec un cigare. C'est sûr. Bon, alors, non mais sérieusement. Donc, la question, une des deux questions, bon, donc c'est obligatoire, donc il y a quand même l'autorité de la médecine dans la question. Il y a autre chose, c'est quand même, vous allez me dire justement si j'ai raison ou si j'ai tort. On m'a dit, je lisais ça même dans Tintin quand j'étais petit, mais je l'ai entendu dire 15 000 fois, que la tuberculose, le tétanos, la variole, ben, ça a été... sinon complètement éradiqué. La rougeole, la coqueluche, la diphtérie. Vaincu par les vaccins. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je voudrais savoir. Alors, en général, je réponds et je dis « t'es sûr ?» Et après, je dis de lire mon livre, éventuellement. Oui. Mais là, devant oui. je réponds aussi... dire un peu ce qu'il y a dans le livre. Je réponds un peu aussi aux auditeurs. Mais en fait, c'était la question, justement, d'où tu tires cette information. Parce que c'est vrai que moi aussi... J'étais comme vous, comme tout le monde, à me dire que oui, c'est quand même pas mal les vaccins. J'en ai pris, quand je suis rentré à l'armée, ils les ont tous refait. J'ai pas du tout eu de soubresaut là-dessus. Et il y a un exemple, justement. Donc on peut prendre, en fait, chaque maladie est traitable différemment. C'est-à-dire qu'un tout vaccinaliste serait un peu aussi intelligent qu'un tout non vaccinaliste. Il faut vraiment... D'ailleurs, moi, je ne peux même pas dire que je suis contre le... Je peux même pas dire que je suis contre le vaccin contre la fièvre jaune. En fait, j'en sais rien, je l'ai pas regardé. D'accord. Et le vaccin méningocoque, je l'ai pas regardé non plus. Bon, depuis, il y a eu des scandales, donc ça, j'ai tendance à croire que non, c'est mais sûr que c'est. Mais alors, à ce que vous alors, avez et, exactement. Voilà. Mais donc, ça veut pas dire que c'est une conclusion formelle sur tous les vaccins. D'accord. Vous parlez de la variole. Oui, je parle de la variole. C'est quand même L'exemple c'est énorme, c'est le grand exemple. Et puis, c'est, ça a été vraiment un fléau au 18e, 19e. Oui, comme la scarlatine. Et en fait, la variole, ça a disparu. Donc, il y a eu un, ça a disparu dans les années 60, peut-être. Il y a eu un rapport de l'OMS en 69. Oui. Et il fait beaucoup de pages. Hein. C'est un, il fait peut-être 150 pages. Oui. Et ils expliquent tout calmement. Parce que maintenant, si on va sur le site de l'OMS, ils disent... Je ne sais pas si l'OMS ose, mais en tout cas, dans mon livre et dans ma vidéo de présentation, on peut voir tous les organismes publics qui disent merci à la vaccination d'avoir éradiqué la variole. Oui. Et quand on va lire, là je ne vais, pas vous retrouver la page, mais le rapport de l'OMS, oui. En fait, ils expliquent que la première des stratégies, comme souvent, c'était de vacciner à tout va. Et ils disent que ça a marché dans quelques pays, mais cette stratégie a échoué dans la plupart des cas. Donc ça, c'est vraiment texto. Le rapport est en français, parce qu'à l'époque, en tout cas... Le rapport de l'OMS de l'OMS fait à Genève. Et ils disaient que ça a échoué dans la plupart des cas. Donc après, ils prennent pas mal d'exemples. Fidji, l'Inde. Et ils disent qu'au bout d'un moment, ils ont dû se rendre compte que c'était pas possible, qu'ils n'arriveraient pas à l'éradiquer comme ça. Et ils ont mis en place des stratégies plutôt d'isolement et de déclaration, pour donc vraiment de prévention, pour essayer d'isoler les cas et de faire disparaître ça. Et c'est ça qui a marché. Oui, et c'est eux qui le disent. Je vous interromps pour confirmer ce que vous dites. Donc ça fait partie de votre chapitre 17 sur les mythes vaccinaux. Oui. Pour vous, c'est un mythe de dire que la variole a été éradiquée grâce au vaccin antivariolique, et vous en prenez comme autorité le rapport de l'OMS lui-même, donc de 1969. Et ça se trouve aux pages 226, 227, 228 de votre ouvrage. Exactement. Bon, alors, donc, mais alors à quoi ça sert? Il y a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres? Donc ça, c'est un point. Je rajoute juste qu'en plus, non seulement ils disent que ça n'a pas servi, mais ils disent que, si je peux lire un peu, oui, en certains endroits, donc il y a les guillemets, les vaccinateurs et leurs supérieurs hiérarchiques qui avaient connaissance de la variole dans leur secteur étaient peu enclins à la notifier parce que la présence de la variole était considérée comme de nature à discréditer leur action de vaccination systématique et parce qu'ils avaient peur d'être renvoyés ou sanctionnés. Donc on sent l'emprise de la pensée unique déjà. Et après ils disent, etc., etc. Même au niveau national, il y avait des gouvernements qui s'abstenaient de notifier d'importantes épidémies ou en modifier les chiffres pour les ramener à des dimensions respectables. Encore une fois, c'est l'OMS qui le dit. Hein. Mais c'est pas Arthur, c'est pas des, l'OMS. C'est ça, c'est pas des, c'est pas des fous donc complotistes, comme on dit aujourd'hui. Pour vous, c'était quelque chose d'acquis. Et après, la variole. Moi, je ne fais que lire. Hein. Et après, ils disent ultérieurement, grâce à des informations provenant d'autres pays. Les notifications ainsi dissimulées venaient à être connues, donc ça prenait quand même du temps, mais souvent avec des retards aux conséquences tragiques. Donc c'est page 37 du rapport. Ce que ça veut dire, c'est que non seulement ça servait à rien, mais que l'idéologie et la peur de pas plaire à son supérieur, etc., ça entraîne dans des cycles, des boucles qui font que c'est nuisible. D'accord. Eh bien, écoutez, il est 18h28. Je vous rappelle que vous écoutez le libre journal de la liberté surveillée. En première partie, je reçois Pierre-Jean Ardouin pour son livre « Pourquoi vacciner ? La fin de la vaccination documentée et argumentée ». Faire une petite annonce tout de même pour les mardis de Politique Magazine en partenariat avec le Cercle Histoire, Culture et Patrimoine. Mardi 14 juin à 19h30 précise, le thème sera 2017 et après, perspectives nationales et internationales, par Hilaire de Crémier, directeur de Politique Magazine et de la Nouvelle Revue Universelle, et Gilles Varange, chroniqueur de Politique étrangère. Participation aux frais 10 euros, étudiants et chômeurs 5 euros, conférence à 19h30 précise, salle Messiaen, 3 rue de la Trinité, 75 009 Paris, métro La Trinité ou Saint-Lazare. Pour tout renseignement, téléphone 01 42 57 43 22, téléphone 01 42 57 43 22. Ce que vous venez de dire, vous écoutez évidemment Radio Courtoisie, parce que j'ai la tête en l'air. Parce que le sujet que nous traitons ce soir est vraiment intéressant, même si on n'arrive pas toujours à tous saisir, mais justement, l'auteur est là pour préciser et vulgariser. Alors, ce qui est vrai de la variole, donc, la variole a disparu, on peut le dire. Bon, on craint toujours qu'une souche gardée dans exactement. Un laboratoire. Ce qui a pu arriver pour H1N1, d'ailleurs. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres maladies comme ça, infectieuses et même très contagieuses, qui soit ont disparu, soit ont presque disparu? Et est-ce que les vaccins sont à l'origine de cette disparition, ou est-ce que c'est autre chose? Oui, alors encore une fois, il faudra prendre tous les vaccins un par un. Mais dans la majorité des cas, le rôle du vaccin n'est vraiment pas évident. C'est-à-dire qu'en fait... Moi, j'ai lu quand même des déclarations, enfin, des publicités, vous allez me dire. Bon, enfin, les publicités, si elles étaient mensongères, qui imputent au vaccin, notamment pour la rougeole, je crois, ou d'autres choses comme ça. Eh bien, voilà, si on arrive à se débarrasser de cette saleté, c'est grâce au vaccin. Alors, vous dites, il faut voir les choses cas par cas. Alors, donnez-moi des exemples de maladies contagieuses qui ont régressé et où... C'est pas évident que... De dire que c'est le vaccin, alors oui, donnez-moi des exemples. Oui, alors ce serait plus rapide de prendre l'inverse, mais avez parlé de la rougeole et du tétanos, donc on va faire les deux par exemple. Oui. Alors, si vous regardez page 33 de mon livre, donc là vous pouvez évidemment pas, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que... Donc j'ai fait un travail que tout le monde pourrait faire, c'est-à-dire aller chercher des articles, mettre des guillemets. Oui. Mais comme je suis informaticien aussi, je me suis un peu servi de ça pour tracer. Ça m'a pris du temps, mais j'ai cherché des courbes officielles, des données officielles. Parce que les courbes, on les trouve toujours sur des sites, mais c'est toujours des sites anti-vaccins et on se dit, d'où ta courbe? Et donc, je ne voulais pas ça. Donc tout est référencé, sourcé. Sourcé, et on peut aller sur mon site pourquoi-vacciner.fr. Oui. À la fois pour commander le livre, mais pour avoir toutes les sources. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les sources, mais les programmes. Alors ok, il faut éventuellement se faire aider d'un ami qui touche un peu vite fait. Mais pour télécharger 2-3 trucs, j'explique quand même. Et après, on télécharge les données sur... alors en France, malheureusement, les données commencent en 1925 et encore, elles ne sont pas totalement accessibles. Et j'ai dû aller chercher... Royaume-Uni et Pays de Galles. Et donc, ah oui, parce que j'ai remarqué que vous nous parlez toujours de la rougeole en Angleterre au Pays de Galles. Mais ça aurait pu être le Portugal. Mais alors donc, en général, le problème, si je comprends bien, c'est qu'on n'a pas de série assez longue en France. Oui, il y a une base de données Valin-Mêlé qui commence en 1925 et c'est vrai que j'avais quand même un peu envie d'aller chercher avant, parce que c'est là que ça s'est joué. Enfin, au XXe siècle, il y a eu même avant, mais... Et donc, ce que j'ai pu garantir, c'est que pour chaque courbe, j'ai pris le même pays, pour ne pas dire je me suis arrangé, et j'ai tracé les courbes au moins 1900 d'incidence et de décès. L'incidence, rappelez ce que c'est. Donc, c'est le nombre de cas par an. De combien il y a eu de nouvelles an. Rougeoles par an. D'accord. Et combien il y a eu de morts par an. Donc, j'ai pris... c'est pris la mortalité. C'est ça. Et après, de manière indépendante, j'ai dû aller chercher les taux de vaccination dans ces pays, première dose, deuxième dose, troisième dose, pour vérifier. Le problème, c'est que ça commence en général en 1980, où on a vraiment... dates où le vaccin a été introduit, où il y a eu l'immunisation de masse, donc je mets des petites flèches. Oui. Et après, il y a le pourcentage de couverture. Et donc, j'ai tracé tout ça, et souvent, j'arrive même à prendre des données avant. Par exemple, la rougeole, 1850. Oui, je vois ça. Et, donc, je trace une jolie courbe en bleu ou noir. Parce que, en bleu, juste pour info, c'est que... il y a une version électronique aussi, c'est vrai. Et au départ, c'était censé être en couleur. Après, j'ai voulu limiter le prix pour à 14 euros pour le... Et oui, ça limite aussi la visibilité des couleurs. Voilà. Ça limite la visibilité des couleurs. On est bien d'accord. Et au début, donc en 1850, il y a à peu près 500 décès par million de rougeole. Ouais. Ça se passe. Après, ça reste constant. En 1900, ça a un peu baissé. Et là, 1900, c'est la chute exponentielle décroissante, comme on dit. Oui. Donc vraiment, ça tend vers zéro. Et avec un pic quand même en 1900. Oui, alors voilà. Oui, il y a des. Après, il y a des années de guerre, il y a des. Ouais, mais sinon, c'est vrai, ça descend vraiment nettement. Celle-là, c'est un peu la, on va dire, une des plus claires où il n'y a pas trop de soubresauts comme il y a pu y avoir pour la diphtérie ou la tuberculose, etc. Et donc, quand on arrive à quasiment zéro, parce qu'on ne voit plus rien sur la courbe, là, il y a marqué création et immunisation de masse. Donc, c'est en 66-68. Oui. Et on se dit, mais alors, c'est, ça n'a pas l'air d'être la folie quand même. Ça a diminué de 99,9%. Très parlante, ouais. Et voilà, donc celle-là, c'est peut-être la plus parlante, mais le tétanos, c'est quasiment pareil. Oui. Et après, la diphtérie. Alors, déjà, il y a la mortalité et les cas. Donc, pour être totalement juste, à la création et l'immunisation, en fait, on voit que l'incidence qui oscillait un peu, là, vraiment, elle a été contrainte. Donc, je nie pas du tout le fait que les vaccins aient pu diminuer l'incidence de la rougeole. Donc, le nombre de cas par an, de toute façon, on le sait avant, pas tout le monde, mais énormément d'enfants attrapaient la rougeole et c'était limite normal. Et on disait, au moins, c'est fait. Il ne sera pas stérile s'il l'attrape plus tard. C'est bien. C'est comme maintenant les varicelles. Rougeole, moi. Tout le monde a eu la rougeole. Exact. Alors après, il peut y avoir... Vous n'avez pas eu la rougeole ? Si, je pense que je l'ai eu, mais je ne sais plus. Il faudrait que je redemande à mes parents. C'est ce qu'ils confondent. Ils ont eu trois enfants. Et je les salue. Et donc, on voit qu'en fait, à l'arrivée du vaccin, il y avait une soixantaine de décès par an de la rougeole. Sachant qu'en général, quand on va sur le site de l'OMS, on nous dit « Attention rougeole ». C'est vrai que c'est extrêmement contagieux. Et on nous dit « C'est la première maladie... celle qui tue le plus les enfants de je ne sais plus quelle tranche d'âge » dans le monde. Et c'est 38% parmi les maladies contagieuses. 38% des maladies contagieuses, c'est la rougeole qui tue. Et donc, c'est la première. Et avec 1,4 million d'enfants morts par an. Donc, c'est vrai que ça fait un peu réfléchir. On se dit, avant d'interdire le ROR, donc rougeole au rayon rubéole, le vaccin, tu ferais mieux de regarder les chiffres. Et ben oui, mais ça, c'est peut-être que les pays africains, ils n'ont pas fait alors, leur transition pas comme trop nous. Vite. Ce que je me demande, c'est... Comment et pourquoi votre courbe est tout à fait claire, hein, elle retranscrit les données, il n'y a pas à crier. Alors comment les fabricants de vaccins et les gens partisans de la vaccination peuvent-ils prétendre que la vaccination a été déterminante contre la rougeole ? Alors... Déjà, encore une fois, je ne suis pas vraiment dans leur tête, mais ce qu'on peut souvent voir, c'est que les courbes ne remontent jamais jusqu'à autant. Donc, en fermant la fenêtre... Alors, soit on ne monte pas de courbe, soit en général, comme je dis, on montre un peu l'épouvantail des pays d'Afrique où c'est vrai que là, ça peut décimer. Fléau, oui. Le tétanos néonatal, oui, ça... Terrible. Enfin, c'est terrible. Avant, c'était 14% des causes de mort des nouveau-nés. Maintenant, c'est 1%. Donc, déjà, on a quand même... Limité. On a limité, mais ça reste un fléau. Et donc, il y a cet épouvantail-là. Et il y a le fait qu'on ne remonte pas assez. Et donc là, c'est un exemple que j'ai montré. C'est la coqueluche... est-ce que ça vous est cher ? La coqueluche, en fait, je l'ai montré. Moi, j'ai tracé ma courbe normalement en allant chercher très loin. Oui. Et j'ai fait référence à un article qui a été souvent après repris par des gens qui avaient des liens un peu d'intérêt. Mais on va dire que même, c'est pas grave. Et eux, ils limitent vachement et ils montrent qu'à un moment, la couverture diminue et après, elle remonte. Et là, on a des pics de coqueluche. Donc, en isolant un laps de temps beaucoup plus faible, ils disent, regardez, c'est arrivé les... montre une corrélation qui n'existe pas vraiment entre le vaccin et... Qui n'est pas claire quand on regarde d'autres maladies à ce moment-là. D'accord. Et le propre, d'ailleurs, d'une exponentielle décroissante, c'est que plus vous pouvez la zoomer autant que vous voulez, elle aura toujours la même tête. Donc, vous pouvez très bien faire croire que le maximum était en 1970. Mais non, si on dézoomait, on verrait bien que c'était déjà négligeable. D'accord. Je vois que la fenêtre de tir est de base, je pense qu'ils ne sont pas allés voir les courbes, parce que même en remontant enfin pour le tétanos avec les courbes françaises 1925, on doit se dire que non, c'est ça ne peut pas être la cause. Après, il y a mille autres raisons pour lesquelles le vaccin n'est pas la cause de la réduction du tétanos. Quand on regarde les déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux tétanos. Il y a le tétanos néonatal qui tue beaucoup donc, dans les pays qui sont pauvres et qui sont en manque d'hygiène. C'est-à-dire qu'avant, la Chine, par exemple, c'était vraiment dramatique. Et je le cite aussi là parce que c'est l'UNICEF. Et l'UNICEF, c'est des gens très pro-vaccinaux. Et il y a M. Scherbier qui est de l'UNICEF et qui dit « Nous avions fait la méthode vaccinale et en fait, ce qui a vraiment marché, c'est la méthode dure, c'est de forcer tous les Chinois à vraiment accoucher pas à domicile. » Je ne dis pas que je suis contre l'accouchement à domicile, je dis qu'en Chine, il s'est passé à 96% d'accouchements à l'hôpital. Et depuis, il dit, c'est lui qui le dit, hein, donc de l'UNICEF, que le problème du tétanos néonatal a été résolu. Et voilà. Donc là, vous revenez sur les politiques de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a, selon vous, des alternatives à la vaccination qui sont plus efficaces. Oui, voilà, tout simplement. Il y a un article qui montre... Le choix de l'hygiène, le choix de l'alimentation, dans d'autres cas, mais enfin, on verra ça plus tard. C'est ça, voilà. Ou la chlorhexidine, justement, pour le tétanos néonatal, on nettoie bien les plaies. Le cordon, on ne le jette pas comme ça. Sur le tétanos. On est surtout l'histoire des courbes et la non-corrélation. Enfin, le fait que l'éradication d'une maladie n'est pas forcément liée au vaccin, comme on le croit. Comme j'ai d'ailleurs un auditeur qui me dit, je m'étonne qu'on puisse mettre en doute les vaccins et leur efficacité. L'auditeur renvoie le conférencier aux témoignages anciens qui montraient qu'avec la variole et sa calamité, qui décimait des familles entières jusqu'à la cour de Versailles. Nous le savons, mais ce que vous venez de dire, c'est que l'éradication de la variole précède la vaccination, enfin, n'est pas corrélée. C'est pas ça qui a fait qui a été déterminant. Et vous le dites aussi donc pour la rougeole. Et vous alliez me parler de la coqueluche, parce que la coqueluche, vous avez aussi quelque chose à dire sur ce sujet, la coqueluche ou pas ? La coqueluche, oui, il y a beaucoup de choses à dire aussi. C'était une maladie qui avant touchait un peu comme la rougeole les 4-7 ans. Oui. Et donc les enfants attrapaient beaucoup la coqueluche. Et on a vraiment mis une pression vaccinale sur ces âges-là. Et maintenant, c'est une maladie qui arrive soit à l'âge adulte, soit avant un an. Et la majorité des cas maintenant et des morts sont avant un an. Le problème, c'est que quand un nourrisson attrape la coqueluche, il a beaucoup plus de chances d'avoir des complications, comme la rougeole adulte et chez le nourrisson. Et donc, alors ça, c'est un changement de l'épidémiologie. Ça a été un changement d'épidémiologie. Pour la rougeole, c'est très embêtant, ça, parce qu'effectivement, quand on était petit, avoir la rougeole, c'est pas bien grave, mais pour un adulte, ça donne quoi, la rougeole, chez un adulte ? Je crois que c'est 45% d'hospitalisation en France ou dans un autre pays du style. Donc, c'est pas le même... Alors, évidemment, on a baissé de beaucoup le nombre de rougeoles. Donc, il y a quand même beaucoup moins d'adultes qui attrapent la rougeole comparé au nombre d'enfants qui pouvaient attraper la rougeole. Mais plus d'adultes qui attrapent la rougeole aujourd'hui ? En proportion. Mais en proportion et en valeur absolue. Alors, en valeur absolue, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Mais comme me disait cet ami qui refusait plus que le DTP pour son enfant, lui, il disait, voilà, ce qui serait idéal, c'est que... on reste comme avant, c'est-à-dire que les petits attrapent la rougeole comme ça se passe bien. Et éventuellement, lui disait, si mon enfant a passé à 12 ans, il n'a toujours pas attrapé la rougeole, par peur éventuellement des complications, je lui ferai le vaccin. Bon, Il y a quand même, je voulais dire si je dis une bêtise, mais j'ai lu qu'aujourd'hui, malgré les moyens modernes de traitement, un cas de rougeole sur 3000 est mortel. C'est bon ou pas, ça ? Alors, je sais plus les chiffres, mais je sais que une fois il dit 3 sur 1000 et une fois il dit 1 sur 3000. Ouais. Qu'elle est mortelle, c'est tout à fait possible puisque. Et donc, ça explique que les parents veuillent empêcher à tout prix justement, maintenant que la rougeole est passée, je sais plus exactement quel est le chiffre, mais la majorité des rougeoles, en France, maintenant, il y a beaucoup plus de rougeoles au-dessus de l'âge de 15 ans. Donc, puisque la rougeole est, alors selon une étude en Angleterre, est 8 fois plus mortelle qu'à l'âge d'avant, et ben, sur les 1 sur 3000, plus c'est létal. Voilà, il y a un peu ce problème-là. Ah, et quand on nous fait, les journaux en général disent, quand il y a un cas de rougeole, voire un mort de rougeole, là il y avait eu aux États-Unis, c'est tout de suite, attention, il faut vacciner les méchants. Le docteur Wakefield, il a alerté sur l'autisme, c'est un très méchant. Et donc, il faut tout de suite dire qu'il faut revacciner. Au final, la personne, elle avait 28 ans, Donc, peut-être qu'elle l'aurait attrapé jeune et qu'elle elle ne l'aurait pas eu. Et ce qui est juste rigolo, c'est pour dire que les médias, ils sont quand même pas toujours à la hauteur. Ils disaient, donc ils avaient déjà tous publié comme quoi, attention, attention. Ils disaient, il est mort en ayant la rougeole, mais on ne sait pas si c'est la cause du on ne sait pas encore si c'est la cause du décès. Donc voilà, on a la levée de bouclier tout de suite, alors qu'on ne sait même pas, aucun recul. Alors, juste tout ce qu'on dit est intéressant, parce que la formation des jeunes, dit cet auditeur, à la recherche d'informations est d'être un défi actuel majeur. On est en train de l'illustrer. Alors, il y a un auditeur qui n'a peut-être pas vraiment écouté ce que vous disiez, puisqu'il nous dit, selon vous, c'est la vaccination contre la tuberculose qui a permis de faire diminuer cette maladie, mais vous ne tenez pas compte de l'alimentation ni de l'hygiène qui ont changé. J'ai du mal m'exprimer. Oui, il a malentendu. Parce que oui, il y a un malentendu, puisque la tuberculose, j'avoue que le BCG, je ne suis pas tendre avec lui, à part que c'est un des vaccins les moins nocifs, dans le sens où, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, il n'a pas d'aluminium, pas de mercure, d'accord, pas tout un tas de donc, produits. Il n'a pas d'effet secondaire trop désagréable. Alors, il n'a pas d'effet secondaire trop désagréable. Cela dit, il y a des petits effets un peu gênants, mais il y a 12 BCGites disséminés par an. Donc, ça, c'est pas BCGite, beaucoup. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est dû au BCG. Et c'est quelque chose de très grave et potentiellement mortel. Et c'est l'Académie de médecine qui dit en France, en 2006, je crois, que ces 12 BCG disséminés par an, plus un certain nombre de choses, justifient l'arrêt de l'obligation vaccinale du BCG. Parce qu'il faut savoir qu'on a parlé du DTP. Oui. Mais si on remonte, donc c'est toujours intéressant de remonter en arrière, si on remonte à 2007... En 2006, donc 2007, les gens étaient obligés de vacciner leurs enfants contre la tuberculose. La tuberculose, c'est un vaccin BCG qui date de 1949. Donc pendant plus de 58 ans, tous les Français ont été obligés d'être vaccinés contre la tuberculose. Mm-hmm. Et d'un coup, en 2007, on nous dit « Oui, en fait, ça se passe bien, si, on va peut-être arrêter l'obligation. » On nous dit qu'après l'arrêt de l'obligation, ça n'a pas entraîné de graves changements et qu'elle a continué à diminuer, oui, malgré le fait que immigration, migrants, et que ce sont les populations les plus touchées, ça peut être alors, des populations pauvres. Alors, qu'est-ce qui a entraîné la régression de la tuberculose? Alors, donc j'apporte clairement pas toutes les preuves. Pour moi, voilà, ça, en général, c'est un combiné de hygiène, alimentation, eau, beaucoup l'eau. Oui. Les réseaux d'eau potable, notamment. Voilà, c'est ça. Et après, les antibiotiques ont pu aider à diminuer certaines choses. D'accord. Alors... Je peux repartir, oui, sur la coqueluche. Vous avez le droit, mais brièvement. C'est juste pour dire que la coqueluche, il y a eu un vaccin, on ne nous le dit pas ça non plus, qui a été jusqu'en 2006 en France, c'est Germentier. Et il y a un vaccin qui est acellulaire. Donc le vaccin acellulaire, il est beaucoup moins dangereux que le vaccin à Germentier, où il y a beaucoup plus de protéines et il entraîne... beaucoup plus d'autisme, de mort, etc. Enfin, il y a des articles assez effrayants là-dessus. Et jusqu'en 2006, il était encore autorisé en France. Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que en Suède, en 69 ou 19, ils ont arrêté, à cause de ces effets secondaires, la Suède a dit « on arrête ». Et donc, ils ont eu une grande baisse de la couverture vaccinale. Et ils ont eu une augmentation des cas. Oui. Et c'était en 79, oui. Et donc les cas de coqueluche, oui, c'est dramatique, mais c'est pas mortel. Et sur la période 81-83, donc après 2 ans après l'arrêt total, donc ils n'avaient pas de vaccin cellulaire, ils disent, nous avons compté 3 décès sur cette période, et dont 2 qui étaient d'anomalies sur des enfants avec infirmité congénitale sévère. Donc on se dit, bon après c'est un exemple, c'est la Suède... Mais c'est pas quelque chose qui est... ça va pas tuer 10 000 enfants, la coqueluche. Mais alors, pour terminer sur cette question, est-ce que l'éradication ou la régression très forte d'une maladie est liée ou non à la vaccination? Vous avez un exemple qui est tout à fait concluant, plutôt un contre-exemple. Ah oui. Il s'agit de la scarlatine. Chanson, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. La scarlatine qui était un fléau épouvantable et vraiment avec des toux assez pénibles. Alors, pour la scarlatine, elle n'existe presque plus. Alors, est-ce que c'est grâce au vaccin? Alors oui, c'est vrai qu'on entend moins le mot scarlatine, danger, attention. On a moins ça dans les médias et peut-être que c'est dû au fait qu'il n'y a jamais eu de vaccin dessus. Il n'y a pas de vaccin contre la scarlatine ? Il n'y a pas eu de vaccin, il n'y a jamais eu, il n'y a pas. En fait, je pense qu'il y en a eu un qui a dû être testé, qui n'a pas marché, donc ils ont dit « bon ben, on n'arrive pas ». Alors, ils ont arrêté. Et donc, je pense que personne en France n'a été jamais vacciné contre la scarlatine, à part peut-être une infime proportion. Et la je pense que. Et alors, en tout cas, moi, je ne suis pas médecin, ni épidémiologue, ni rien du tout. Ce que je fais, c'est que je trace la même courbe. Oui. Je prends Scarlet Fever en Angleterre et je regarde. Et on a cette courbe qui descend, qui descend. Alors, j'ai envie de dire que ça apporte quasiment rien de plus que les autres courbes, parce que si on regarde bien la rougeole, comme je disais, il y aurait pu avoir ou ne pas avoir de vaccination. Elle était destinée à aller vers zéro, puisqu'elle était déjà à zéro. Tout. Enfin. Au niveau du zoom, mais au zoom près. Et là, la scarlatine, je me suis dit, bon, ben, on va quand même s'amuser, oui. Et la tracer. Et c'est donc, la même courbe. C'est la même courbe. Alors, il y a peut-être quelques morts par an, en tout cas des cas de scarlatine, mais c'est quelque chose qu'on considère comme totalement acceptable. C'est-à-dire que si il y a des maladies, on ne nous parle jamais aussi des pourquoi un enfant meurt. On dit, il a eu la scarlatine, mais peut-être que c'était un enfant qui avait le VIH. On ne sait jamais, c'est juste des chiffres. Non, mais c'était juste pour dire qu'une maladie infectieuse, contagieuse d'ailleurs, qui n'a pas de vaccin, a subi la même courbe que exactement. Les autres. Voilà. Ben, il est 18h51, vous êtes sur Radio Courtoisie, nous sommes sur Radio Courtoisie pour le libre journal de la liberté surveillée. Ça va être le moment de faire un peu de publicité pour la grande journée de Radio Courtoisie. Dimanche 12 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 12 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Retenez, dimanche 12 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro porte de Champéret. Entrée 5€, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans. Bon, bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie pour le libre journal de la liberté surveillée. Je reçois Pierre-Jean Arduin. On m'a demandé d'épeler son nom, c'est A-R-D-U-I-N, pour son livre « Pourquoi vacciner ? La fin de la vaccination, documenté et argumenté ». Alors on va revenir sur certains vaccins, maintenant que vous avez assez bien montré, je crois, que la régression des maladies infectieuses et contagieuses n'est pas directement corrélée à la vaccination. On va revenir sur certains vaccins. Vous avez parlé tout à l'heure du Gardasil. Le Gardasil qui donc sert à prévenir le cancer du col de l'utérus, notamment en essayant de prévenir les lésions dues au papillomavirus. Alors, je veux savoir quelle est l'importance de ce cancer. Parce que quand on parle, il faut situer les choses. C'est un cancer qui tue beaucoup en Europe, dans le monde. Comment ça se passe ? Alors, c'est un cancer qui tue, donc pour les femmes, cancer du col, qui est, je crois, premier ou deuxième en termes de mortalité dans les pays en voie de développement. En voie de développement. Donc là, c'est vraiment... très fort. Oui, j'ai pas les chiffres, mais c'est en niveau, ouais. C'est le premier ou le deuxième. Et par contre, en Europe, c'est le neuvième au niveau de l'incidence et le douzième au niveau de la mortalité. Donc, c'est pas la... On ne va pas dire que c'est la question prioritaire de santé publique. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de morts. Et je pense qu'il y a, si je ne me trompe pas, peut-être 1500 morts par an de ce cancer chez les femmes. Alors, la majorité ayant autour de 50 ans. J'avais deux questions à vous poser sur ce Gardasil, sur ce cancer et sur le vaccin. Est-ce que, bon, quand on fait décide d'une vaccination... on en espère des bénéfices, et il y a des risques aussi liés à la vaccination. Ouais. Et puis, il y a aussi un bilan économique, parce que combien ça coûte, et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution pour arriver au même résultat? Est-ce qu'on a fait le bilan économique du Gardasil ou pas? Est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce que vous en avez une idée? Ou alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment dangereuses dans ce... Parce que vous parlez d'effets secondaires, mais si l'effet secondaire, c'est une rougeur, c'est oui. pas bien grave. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire que les partisans du vaccin pêchent par optimisme parce que ce vaccin aurait quand même un côté dangereux ou pas? Oui. Alors, le bilan économique, je pense pas que je l'ai fait, mais en tout cas, je... parle juste des chiffres, c'est-à-dire du nombre de milliards engrangés, je crois que c'est 1,6 milliard par an ce vaccin. En gros, il y a deux vaccins, il y a le Cervarix et le Gardasil, mais le Gardasil en France, c'est le plus connu, il est vendu à 90%, donc en général, on simplifie et on dit le Gardasil contre le cancer du col. Et c'est des chiffres au niveau du milliard d'euros. Alors pour une boîte pharmaceutique comme Merck, c'est ni négligeable ni l'essentiel de son profit, c'est plutôt les médicaments. Mais en tout cas, c'est pas négligeable au niveau de l'État non plus. Mais il n'y a pas de bilan à l'heure actuelle, donc d'accord. Moi je ne l'ai pas fait là-dessus. Après, on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose qui va être utile à la jeune fille et quels sont les effets secondaires évidemment. Et donc là, on est un peu surpris. Alors, il y a déjà les effets qui sont reconnu, donc on va marquer sur la petite notice. Il y a ce que va vous dire votre pédiatre, et puis il y a ce qu'on va pouvoir trouver un peu caché si on lit les études. Donc suivant votre niveau d'optimisme, il faut voir ça. Ce qu'on nous dit déjà, c'est que avant de s'intéresser aux effets secondaires, on se demande est-ce que c'est un vaccin efficace. Oui. Parce que s'il n'est pas efficace et qu'il a pas, enfin c'est même pas la peine de s'intéresser aux effets secondaires. Et on entend très souvent que dans les pubs, j'en montre dans ma vidéo de présentation, on dit, alors on ment pas hein, parce qu'on est subtil, hein, mais ce vaccin peut prévenir jusqu'à 70% des cancers du col de l'utérus. Oui. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai expliqué que pour qu'il y ait le cancer, il faut des papillomavirus dus à des papillomavirus. Et les papillomavirus, ce serait simple s'il n'y en avait qu'un. Il y en a X, je ne sais pas, N, il y en a 20. Une vingtaine. Oui. Et donc là, ils ont ciblé le 6, 11, 16, 18. Pourquoi donc, cela? Parce que, alors le 6, 11, mais je sais précisément plus, parce qu'ils... Parce qu'il y en a deux qui sont les plus... c'est la porte d'entrée. 70% voilà, des cancers. Voilà. À eux, 4, mais surtout à deux, c'est voilà. 70% des portes d'entrée. Donc ils disent, on va supprimer et ce sera réglé. D'accord. Alors déjà, il faudrait qu'il supprime de manière totale. Et en plus, il y aurait quand même encore 30% possible. Mais ce qui n'est pas dit et ce qui est prouvé, c'est que quand ils ne rentrent pas par la 16 ou la 18, eh ben, ils vont rentrer par la 31. Donc ça déplace le problème. Ça déplace le problème. C'est une histoire de niche écologique, de choses comme ça. Quand il y a un virus qui a la place pour rentrer, il va rentrer. C'est expliqué pour les incultes, et moi je suis pas, non, c'est pas non plus mon métier, mais c'est effectivement ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça explique que quand on regarde la fiche produit de Merck, donc là je vais pas chercher dans le complot non plus, on va regarder la fiche produit de Merck, évidemment ils ont pas fait un tableau comme j'ai fait, mais j'ai résumé dans mon livre ce tableau, et alors déjà, pour les jeunes filles pour lesquelles le vaccin est recommandé, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas que les filles aient eu des relations sexuelles. Parce que si elles ont eu des relations sexuelles, il y a un risque qu'elles aient eu ces papillomavirus. Déjà qu'elles soient déjà infectées. Et qu'elles, c'est possible, oui. Oui. Et auquel cas, le vaccin est inefficace ou nuisible. D'accord. Et donc, il y a un risque à ce qu'il soit nuisible, évidemment. Donc, on fait le plus tôt possible. Oui. Donc, avec les mœurs actuelles, on a estimé que c'était 9-13 ans. Même si, pour c'est être sûr. Un peu tard. C'est ça. Donc, il cible le plus tôt possible. Et donc, pour cette classe d'âge qui est visée, le document de Merck nous dit qu'ils ont juste des titres d'efficacité. Donc ça, on n'a pas trop abordé le problème. Alors, qu'est-ce que le titre? Allez-y, on a 5 minutes. Ouais. Hein. Il y a donc, la proportion d'anticorps dans... Voilà, c'est ça. Il y a deux façons d'étudier scientifiquement si une maladie si un vaccin va être efficace contre une maladie. La première, c'est de la méthode parfaite, on va dire. On prend deux populations quasiment identiques, on les coupe en deux au hasard. Il y en a un, on lui injecte de l'eau, et l'autre, on injecte et on regarde combien attrape le cancer, voilà, et combien ne l'attrape pas. Le problème, c'est que le cancer, il se déclenche 20 à 30 ans après, donc là, ça va être compliqué. On joue sur des lésions, etc. Mais donc, il y a cette possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire, regardez, on a mis le vaccin et la personne a vachement bien réagi et maintenant, elle a plein d'anticorps contre cette maladie. C'est ce qu'on fait pour, je dirais pas la majorité, mais je pense la majorité des vaccins dont on a parlé, le tétanos par exemple, c'est vu qu'il n'y a plus de tétanos, comment on ferait pour avoir une population avec du tétanos? On aurait 0 et 0 et donc on ne pourrait pas. Donc on est obligé de miser mesurer sur les quelque chiffres. Chose, et ce qu'on mesure, c'est le titre. C'est de la sérologie. Et donc par exemple, pour le tétanos, des fois on dit, mais c'est bizarre, les mamans ont été vaccinées, elles ont eu un rappel, elles ont un titre... 100 à 400 fois supérieur au titre qui est censé être protecteur, et les enfants ont quand même eu le tétanos, donc c'est quand même bizarre. Donc ça veut pas dire que les anticorps ne servent à rien, pas du tout, ça veut dire que c'est pas une preuve ultime. D'accord. Et donc là, c'est à l'âge où c'est obligatoire, on a juste du titre, parce que encore une fois, à cet âge là je pense que c'est pas possible d'avoir des cancers tout de suite, donc on fait ça comme ça. Et les seuls chiffres qu'on va avoir, c'est j'ai plus la classe d'âge, mais c'est assez tard, c'est peut-être si je l'ai, c'est 16-26 ans. Et donc là on nous dit, pour les personnes non infectées, ce vaccin Gardasil est efficace à 33,8%, donc un tiers des cas. Déjà voilà, on n'est pas aux 70, et ça c'est la personne qui est sûre de ne pas avoir été infectée. Sinon, ça tombe à 18,4%. Effectivement. Donc là, on se dit... Inutile quand même, c'est 18,4%. Voilà. C'est 18. Est-ce qu'il faut faire une politique de santé publique avec les... Alors là, c'est une question d'argent, voilà. Finalement. C'est pas encore évident. Donc on pourrait se dire, bon, si ça aide à diminuer le cancer, mais c'est là qu'on se dit... on va regarder les effets secondaires. Je me dis juste aussi que ça avait diminué par 3 depuis les années 80 avant le vaccin. Donc c'est pas des chiffres qu'on peut retracer depuis tout ce qui est cancer. Déjà, c'est un mal beaucoup plus fin du XXe siècle. Mais donc déjà, on avait quand même réussi à le diminuer sans le vaccin. Et là, on va regarder... Bon, il y a plein de choses qu'on peut regarder. On peut regarder dans... Oui, juste pour terminer, on peut regarder par exemple l'impact des politiques de vaccination dans les pays. Oui. Donc la France, elle est à fond, elle veut vacciner. Je l'avais rappelé au début, Xavier Bertrand dit il faut vacciner. J'ai pas voulu attendre 3 semaines parce qu'un cancer dans 30 ans, ça va tuer beaucoup de filles. Je caricature un peu, mais c'est un peu bizarre comme opinion. Aux États-Unis aussi, j'en parle un peu, ça c'est dans les influences publiques, il y a Rick Perry qui est un sénateur américain qui avait été élu 4 fois. Et son directeur, il a fait passer le Gardasil obligatoire, parce que chez nous, c'est seulement recommandé et un peu avec la pression de certains médecins. Mais lui, il l'a obligé pour les filles pour sauver des vies, entre guillemets. Et on apprend quand même que son directeur de cabinet, après avoir fait ça, est retourné travailler chez Merck en 2004, alors qu'il travaillait déjà là-bas avant. D'accord. Donc on se dit, c'est un peu là, bizarre. C'est les conflits. On y viendra tout à l'heure. Pour l'instant, mais alors, je termine sur la... sur la France qui, elle, est quand même assez pro-vaccinale et maintenant veut vacciner les petits-enfants de 9 ans, les petits garçons, parce qu'il y a aussi le cancer anal. Par exemple, il y a une étude qui montre que la Finlande... Alors la Finlande, il y a un article qui dit qu'elle ne veut pas voir les preuves irréfutables de l'intérêt du Gardasil, et il continue à ne pas vacciner systématiquement avec une politique très ciblée. Et c'est le pays... parmi les pays nordiques. Donc la Finlande, c'est souvent un très bon exemple parce qu'en général, elle fait des politiques intelligentes. Pour l'hépatite B, elle dit, on va vacciner les mamans qui ont l'hépatite B. Elle essaye d'avoir pas le tout vaccin. Et en général, ça se passe pas trop mal. Ils sont pas à plaindre au niveau des morts. Et elle est, au niveau des pays nordiques, à 2,4 pour 10 000 ou pour 100 000. Donc c'est numéro 1, le chiffre de l'incidence. Donc oui. Ça veut dire que ça arrive deux fois sur 100 000 femmes. Donc c'est un chiffre qui est bon par rapport aux autres, voilà. Ou mauvais par rapport aux autres, parce que les chiffres absolus, voilà. Les gens les ont obligés tout à l'heure, et moi aussi d'ailleurs, savoir simplement si ça se classe bien ou pas bien. Oui, alors ça se classe plutôt pas mal, puisque dans cet article, ils disent le Groenland, c'est... C'est le pays qui a adopté le premier des pays nordiques avec le Danemark à introduire la vaccination VPH. Grenade, c'est une partie du Danemark. Hein. Ah ben voilà. Et atteint 25 pour 100 000. Donc c'est 10 fois plus. 10 fois plus. Voilà. Donc est-ce qu'ils ont eu raison de se précipiter sur le Gardasil ? Rien n'est moins sûr. Alors justement, vous dites, il faut aller un peu en désordre, oui. Vous dites quelque part que les pays en Europe qui vaccinent le plus et le plus systématiquement n'ont pas de bons résultats. Ah oui, alors ça c'est intéressant aussi. Alors c'est dans les mythes. Ça. Alors, c'est vrai, d'abord. Alors juste pour dire que la majorité du livre c'est « aller chercher », mais j'ai fait des petits travaux personnels, en général, qui étaient, par exemple, pour la tuberculose, il y a un article qui dit, tiens, politique, tel pays, je fais une petite parenthèse, et tel pays vaccine, et il a tel taux de tuberculose, machin, et il en tire des conclusions à la fin, et je me disais, mais c'est quand même bizarre, moi, en lisant, j'aurais plutôt dit que c'était pas terrible. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire des petits points avec les données de l'article et les données de l'OMS des vaccinations. Et donc, j'ai eu une courbe où je vois que en général, il n'y a pas de tuberculose, ça se passe bien. Les pays qui ont beaucoup de tuberculose sont ceux qui vaccinent le plus. Et les pays qui ont très peu de tuberculose ne vaccinent jamais trop. Enfin, en gros, c'est un résumé, mais ça ne va pas du tout dans le sens de l'intérêt du BCG. Donc, j'ai fait ça, c'est pas un grand travail personnel. Et j'ai fait aussi, parce que ça, c'était l'article qui vraiment posait question, c'est qu'il y a, en 2011, il y a eu trois indépendants qui ont voulu étudier les politiques vaccinales. Donc, c'est pas très fin, mais c'est compliqué d'être fin. On dit combien de vaccins avant un an, quel taux de mortalité avant un an. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on peut se dire, déjà, pourquoi personne ne l'a fait, pourquoi ces trois indépendants qui le font. Peut-être parce que personne n'y a pensé, mais ils tracent et ils disent... On a un taux de corrélation, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de loi qui émerge de manière crédible, c'est ce que ça veut dire, et eux, ils ont une droite qui monte. Donc, plus ils ont de vaccins, plus ils ont de morts. Alors, on se dit, c'est quand même bizarre. Et donc là, je me suis dit, je vais aller vérifier, parce qu'il n'y a aucun article qui le descend en disant qu'ils ont tort. Il a été publié, revu par des pairs, et il n'y a aucun article non plus qui le soutient. Donc, je suis allé à la pêche, et pareil, OMS... taux de la CIA, sur le site de la CIA, on trouve les taux de mortalité de tous les pays et les taux de mortalité infantile de tous les pays. Et je me suis dit, je vais tracer la courbe. Et je l'ai tracé et j'ai dit, ah ben non, c'est l'inverse. Et puis après, j'ai dit, ah ben non, j'avais oublié un truc. Et donc, au final, je trouve la même. Avec un peu moins de puissance qu'eux. Parce qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes chiffres. On a dû faire des approximations. Il y a des vaccins qui sont recommandés obligatoirement. D'accord, c'est compliqué. Mais donc, la conclusion. La conclusion, c'est que plus... les pays ont deux doses, donc en fait, lui, ce qui l'étonnait, c'est que les Américains, avant, ils avaient peut-être six valences. Quand je dis doses, c'est des valences. C'est-à-dire que DTP, on va compter trois. Parce qu'on a une valence de diphtérie, tétanos, polio. Et après, on peut avoir coqueluche, varicelle. Il y a des pays qui peuvent obliger plein de trucs. Et si on multiplie par 3 à 2, 4 et 6 mois, on multiplie ce chiffre par 3. Et donc, combien de doses de valences reçues avant un an ? Les États-Unis, ils sont à 26 ou plus. Donc, c'est quand même c'est pas beaucoup. Anodin. Et il se rend compte que les États-Unis, en mortalité infantile, on ne s'y attendrait pas, ils sont classés 34e au niveau mondial. On s'attendrait à ce qu'ils soient 5e ou quelque chose comme ça. Ils ont quand même un... Bon, on ne va pas dire qu'ils ont un bon système de santé. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et donc, ils ont pris tous les pays avant, classés mieux que les États-Unis. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas du tout la tendance attendue. Alors, si je me résume, parce qu'il faut résumer toujours. Donc, plus les pays qui vaccinent beaucoup... ont beaucoup de mortalité infantile. Est-ce que ça pourrait vouloir dire, vous allez me dire oui ou non, que quand on vaccine beaucoup, on se dispense de faire porter les politiques de santé publique sur autre chose, par exemple le logement, par exemple la bonne alimentation, par exemple le dépistage, je ne sais pas moi, voilà, ça voudrait dire ça. Parce qu'on sait que la tuberculose, on avait parlé de toutes les raisons pour lesquelles elle a régressé, on peut rajouter la qualité de l'habitat, la luminosité aussi, tout ça. C'est global, la santé. Alors... est-ce que c'est ça cette corrélation un peu surprenante, quoi. Pour le coup, je ne me suis pas du tout prononcé. Alors, j'ai une amie infirmière qui avait lu ça, parce que je lui en parlais. Elle me disait, alors là, ça va aller contre mon mes conclusions générales, mais peu importe. Elle disait, oui, mais tu t'intéresses pas au fait que les pays qui vaccinent le plus sont en général les plus avancés au niveau de la santé. Et c'est des pays, parce qu'elle elle est infirmière en néonatalité, et elle dit que c'est aussi ceux qui vont chercher le plus loin, c'est-à-dire à 6 mois, ils vont tenter quelque chose, ils vont provoquer éventuellement un accouchement, ils vont noter comme vivant quelque chose qu'ils n'étaient pas forcément. Et donc c'est vrai qu'en enlevant la courbe de mortalité néonatale, parce que celle-là on peut l'enlever, de toute façon elle n'est pas vraiment concernée par les vaccins, puisque ça arrive... Et encore, je dis ça, c'est pas exactement vrai, parce que les prématurés, on a tendance aussi à les vacciner. Raffinons pas trop. Eh oui, il faut. Alors. C'est ça. Donc, en enlevant ça, la courbe qui était significative, c'est-à-dire qu'il y avait de fortes chances d'être vraiment crédible, en gros, un résultat, on dit qu'il est significatif. S'il n'est pas significatif, on ne dit pas qu'il y a un vrai lien, on dit que c'est peut-être du hasard. Oui. Et donc là, le fait d'enlever cette mortalité néonatale, ça faisait que le lien, il était toujours que plus on vaccinait, plus on avait de morts, mais ce n'était pas significatif. Mais quand même, ce n'était pas un lien inverse. Ça me rassure. Donc ça pourrait être une explication. Mais après, pour moi, il y a peut-être qu'on se... Comme vous dites, on ne se préoccupe pas exactement de ce qu'il faudrait faire, mais je pense que c'est aussi le fait que il y a des morts, les vaccins causent des morts. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas pour faire du sensationnalisme. Il y a plein d'articles, un certain nombre d'articles qui montrent que certains vaccins sont dangereux et causent des morts. Alors ne vous perdez pas, parce qu'on n'a plus que 15 à un quart d'heure, ça va vite, hein. des choses rapides et percutantes. Lesquelles sont vraiment dangereuses? Le DTP peut créer... Ça a été montré en Afrique que le DTP sur les filles pouvait augmenter jusqu'à 3 fois la mortalité. Mais en fait, c'est de l'immunologie, c'est très compliqué. C'est beaucoup à quelle période, et si on fait un vaccin de la rougeole juste après, au lieu de le faire juste avant. La combinaison de deux vaccins malheureuses. Voilà. Et ça, c'est jamais étudié dans les articles, c'est très compliqué. D'accord. Si on fait 2 vaccins de la grippe, et ben vous avez 590 chances par million de perdre votre bébé. Vous avez 11, pardon, un chiffre, vous avez 11 fois plus de chances de perdre votre bébé que si vous aviez fait qu'un vaccin grippe. Ouais. Donc quand il y a eu H1N1. Donc c'est des synergies qui ne sont jamais étudiées. Donc ça déjà. Et après, comme je disais, des fois il faut aller chercher dans les articles. Le Gardasil, c'est rigolo. Alors le Gardasil, il y a plein d'associations qui disent vous avez tué ma fille, vous avez handicapé ma fille, etc. etc. Et on va voir. Alors déjà, c'est rigolo parce que quand il vérifie pour voir s'il y a des effets indésirables, moi je dirais naïvement, je vais mettre une solution saline, de l'eau et du sel pour voir si ou que la personne croit qu'elle a eu un vaccin. Placebo, quoi. Un placebo, un vrai. Là, leur placebo, c'est toujours de l'aluminium. Donc, donc ils mettent la même substance potentiellement nocive, c'est ça. Voilà, il faut le dire. C'est ça. On craint que l'aluminium ne soit nocif. Donc si on met exactement. Toujours. Il n'y a pas de double. Là, pour le coup, ils ont pris un vaccin contre l'hépatite B. D'accord. Pour dire, on va vérifier que c'est pas nocif. Ok. Ils ont trouvé 8,9 et 9% d'effets sévères. Donc, ça veut dire qu'une vaccination sur 10 entraîne des effets sévères. Mais ils disent, c'est pas significatif puisque l'autre est pareil. Ah oui, mais ah donc oui. Ça veut dire que l'autre, il est un peu nuisible aussi. Oui, les deux. Et il y a eu 10 et 13 morts au cours de cette étude. Donc, en même temps, vous me direz, bah oui, ça se trouve, ils auraient eu. Bah oui, mais on peut pas comparer. Donc, on n'a pas vraiment la chose. On a eu 5 anomalies congénitales avec le Gardasil, 0 avec l'hépatite B. Mais là, ils ont dit, attention, c'est pas dû au Gardasil, parce qu'on a regardé, c'est pas dû. Donc, c'est-à-dire qu'on prend des grandes populations pour avoir des tendances, oui. On trouve 5 contre 0, au lieu de conclure que ça pourrait avoir une sorte d'influence sur les anomalies congénitales, ils disent, non, c'est pas lié au Gardasil, parce que c'est des experts qui ont déterminé, ils expliquent pas du tout pourquoi. D'accord. Et donc, ça peut être un peu gênant. Attendez, il faut qu'on avance parce que j'ai plein de questions à vous poser. Allez-y. La grippe. Le vaccin de la grippe. Alors la grippe. Rapport bénéfice-risque. C'est évident, c'est pas évident. Est-ce qu'il est efficace d'abord? Ah oui, alors c'est encore une fois rigolo. Ce vaccin, il a été au début donné. En général, les gens qui disent la grippe, c'est ça tue des vieilles personnes. Moi, ma maman, elle a, enfin pas la mienne, hein, mais on dit ma maman, elle a la grippe, elle est en institut. J'ai pas envie qu'elle meure de la grippe, donc elle est faible, ni d'une canicule ni de la grippe. Je la vaccine. Et donc l'État a donné la gratuité du vaccin contre la grippe en 85 pour les plus de 75 ans. Après, ils ont diminué à 70 et en 2000, maintenant c'est gratuit pour les plus de 65 ans. Donc on peut y aller à tout va. Et là, on se demande, mais est-ce que c'est efficace? Donc là, on regarde les études. Et c'est rigolo ou pas, on voit que on nous dit la vaccination contre la grippe au-delà de 65 ans, les preuves manquent. C'est pas un article qu'il dit, c'est un article qu'il dit en ayant regardé toutes les preuves. C'est une méta-étude. C'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils regardent les analyses et ils disent on prend tel critère et on regarde combien il y a d'études qui en parlent. Et au final, et donc la vaccination qui est en gros, qui justifie le fait que des pauvres personnes faibles meurent, eh ben il n'y a pas de données. Et donc on se dit c'est quand même un petit peu bizarre pourquoi on nous impose cette vaccination. Alors ça peut être utile sur les personnes d'âge plus bas, mais il faut savoir qu'il y a 90% des 95% des cas qui est au-dessus de 65 ans. Donc un mort par grippe, c'est quasiment jamais une personne. Moi, bon, je vais pas dire que 65 ans c'est vieux, mais c'est quasiment jamais un acte. merci. Je salue mes parents. Et donc c'est quasiment jamais un actif qui va en mourir. Donc on peut se demander si c'est la peine de vacciner les nouveau-nés, les actifs. Alors ce que vous dites, c'est que c'est inutile chez les jeunes et que c'est inutile aussi chez les vieux puisque ça ne les alors, ça prémunit peut être utile, pas vraiment. Ça peut être utile chez les jeunes, mais il y a peu de chances qu'ils en meurent. Après, il y en a qui n'aiment pas avoir la grippe, donc ils se disent je me fais ce vaccin, mais il y a aussi des effets secondaires, de la fatigue, etc. Donc ce n'est pas évident que ça ne va pas enlever non plus des arrêts de travail. Alors, mais on n'a plus qu'un quart d'heure. Tant qu'on est sur la grippe, je voudrais que vous me disiez deux mots sur l'affaire de 2009, les vaccinations obligatoires, les grosses vaccinations, la pandémie. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça ? La pandémie, bon, ça c'est en gros le sujet facile où les gens, c'est un peu comme l'Irak, là, les gens ils sont d'accord que, pas on s'est fait manipuler, mais il y a eu une petite exagération. Et là encore une fois, c'est pas moi qui le dis. C'est un rapport, je ne sais plus si c'est de l'Assemblée nationale, mais je crois que c'est du Sénat, qui en 2001, c'est de l'Assemblée nationale, pardon, a essayé de faire un récapitulatif de cette pandémie de 99 pour se dire... c'est 2009, pardon, oui, donc c'est en 2011. Et pour voir s'il y avait eu un problème au niveau des instituts... public. C'est là que je voulais en venir. Est-ce qu'ils ont bien géré le conflit d'intérêts ou la mauvaise gestion ? Est-ce qu'ils ont bien géré la chose ? Alors, en fait, ils disent non. Hein. Donc, c'est un rapport qui fait beaucoup de pages et qui nous dit qu'il y a eu l'émergence d'une pensée unique, que les contrats ont été excessivement mal négociés, c'est-à-dire qu'on a acheté 96 millions de doses. Il y en a eu, au final, on a réussi à limiter à 50 millions de doses et on en a fait 8,5 millions. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas prêts à se vacciner. D'accord. On en a acheté pour rien. Voilà. Alors que d'autres pays avaient beaucoup mieux négocié le... Oui, mais vous dites aussi, mais c'est ça. Bon, nous avons mal négocié chez nous, c'est clair. On pourra parler de Roselyne Bachelot, si vous voulez bien. Mais vous dites aussi quand même qu'en 2009, l'OMS avait formé un comité d'urgence pour lutter contre le H1N1 et qui était composé de 16 personnes, ouais, dont 6 était l'objet d'un conflit d'intérêts justement avec l'industrie du vaccin. Oui. Et en Grande-Bretagne, c'était encore plus pire, dites-vous. Oui, c'est ça. Alors, je les ai pris un par un. Un par un, ils étaient tous. Non, pas tous, mais après beaucoup l'étaient. Après, il y a des experts de la grippe, des experts de la santé, des experts pas de la communication, mais il y a tout un panel d'experts. Et alors, soit ils avaient des intérêts avec ce genre de boîte, Sanofi, etc. Soit de toute façon, on savait à peu près leur opinion. C'est-à-dire que c'est comme le débat qui est lancé sur la vaccination par Mme Touraine, le ministre de la Santé. Elle a nommé, donc c'est elle qui a nommé, professeur Alain Fischer. Je suppose qu'il pense à peu près comme elle, sinon ça me paraît très bizarre. Mais ce qui est évident, c'est qu'elle n'est pas allée chercher ni Serge Rader, ni le professeur Joyeux, ni moi. Ça paraît aucun peu logique. Voilà. C'est logique. Enfin, c'est logique. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leur point de vue, quoi. Il n'y a pas de débat contradictoire sur la question. Toutes les personnes qui font comités sont unicolores. Sont plutôt favorables à la grippe. Donc les conclusions étaient plutôt logiques de dire il faut vacciner. Alors, la question est, ils peuvent être intellectuellement convaincus que c'est bon. Hein. Oui. Ça n'a rien de mal en soi. Si c'est leur conviction médicale, justement, au vu des études épidémiologiques. Mais je voudrais peut-être qu'on fasse la dernière partie, les 5 ou 6 minutes qui nous restent, sur la question du conflit d'intérêts. Parce que On a déjà donné des noms, Marisol Touraine de Xavier Bertrand, peut-être Rosine Bachelot. On a l'impression que, et vous donnez alors d'autres exemples beaucoup plus probants, on a l'impression que souvent la réflexion n'est pas libre, que des gens qui participent au débat ont des bonnes raisons sonnantes, trébuchantes, d'avoir tel ou tel... Alors, donnez-moi... Convainquez-nous. Oh oui, bah, par exemple, j'avais parlé de Marisol Touraine. Le Canard Enchaîné, en 8 août 2012, dit « En 2009, elle appartenait encore au club Avenir de la Santé, un groupe de pression financé par GSK, donc c'est GlaxoSmithKline, qui est le numéro 2 du secteur. Ouais. » Et après, elle parle d'une fleur au géant Novartis, pour le médicament qui s'appelle Lucentis. Et c'est un médicament qui se vendait 16 fois plus cher que en écartant le concurrent. Et donc, il a fallu 3 ans. Il y a eu des reportages qui sont passés sur, je crois, Cachat Investigation ou ce genre de choses pour montrer à quel point c'était complètement illogique de faire payer la sécurité sociale quelque chose de 16 fois plus cher. Donc, on se dit, Marisol Touraine, bon, ben, elle a peut-être certains intérêts là-dedans. Après, il y a des... La carrière de Marisol Touraine a des liens avec l'industrie pharmaceutique à des moments ou d'autres? Ça me paraît pas évident. En tout cas, déjà, elle est pas médecin du tout. Elle est pas trop une spécialiste de la santé, mais je n'ai rien trouvé là-dessus sur elle. Et sur Rosine Bachelot. Sur Rosine Bachelot, par contre, c'est un peu plus, pas clair ou clair justement. Et le problème, c'est que évidemment, Rosine Bachelot, sur son CV, elle dit pas j'ai travaillé 16 ans pour ICI Pharma, qui a donné AstraZeneca, qui a donné les vaccins, qui avait les brevets. ICI Pharma, donc c'est... Ah oui, c'est le gros géant américain de chimie même. D'accord. Oui, c'est ça. Moi, je ne connaissais pas de nom, mais en tout cas, ça a donné naissance à AstraZeneca, qui avait l'intégralité des droits sur les... sur les vaccins papillomavirus qui après les ont partagés avec GSK et Merck. Donc on peut se demander si ça, son petit passage de, je dis 16, mais c'est peut-être 10 ans dans cette entreprise n'y a pas été pour quelque chose. Alors elle nous dit oui, j'y ai travaillé en tant que stagiaire ou laborantine. Donc on se dit à 1000 francs par mois, je ne sais plus ce qu'elle dit. Mais on se demande pourquoi elle mettrait ça sur son CV de parlementaire si elle avait, si c'était aussi... peu valorisant pour un ministre. Après, moi, je ne peux que faire des conclusions. Ce que je vois, c'est que les gens qui ont essayé de faire l'enquête, eh ben, on leur a jamais répondu. C'est un reportage d'M6. On voit très bien qu'ils posent des questions, on les raccroche toujours au nez, on ne saura jamais vraiment Rosine Bachelot, ce qu'elle a vraiment fait là-bas. D'accord. Une réflexion d'auditeur. On a un risque de mourir, non une chance de mourir, n'est-ce pas? Bien entendu, bien sûr que c'est un risque et non une chance. Alors, c'est quelqu'un de très méchant. Vercingétorix, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon Bonaparte n'ont pas été vaccinés et ils sont morts. Alors, votre propagande anti-vaccin, je me marre. Vous faites de la propagande anti-vaccin? Mais ils sont morts d'eux. Non, ah oui, ils sont morts, oui, c'est une blague, oui, en fait. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, il parle de propagande anti-vaccin. Est-ce que vous avez l'impression que c'est de faire de la propagande anti-vaccin? J'ai l'impression... Non, propagande, c'est un peu négatif, je trouve. Oui. J'ai l'impression d'essayer de lutter contre la propagande. Alors, les gens me disent, tu vas trop... T'es trop unilatéral. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de mythes à démonter. Et en plus, des fois, je dis, ah oui, la diphtérie, je pense que ça a aidé à diminuer, le vaccin a aidé à diminuer l'incidence. Cela dit, la diphtérie, elle est obligatoire, mais elle se soigne par sérothérapie et par sérum et par antibiotiques. Donc, de là à l'obliger pour les enfants de 2, 4 et 6 mois, ça ne me paraît pas évident non plus. Mais je ne dis pas que le vaccin ne sert jamais à rien. Je dis que je n'arrive pas à une conclusion positive. Je suis désolé. Hein. Ce que vous dites, comme beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit, c'est que beaucoup d'autres facteurs, dont l'hygiène, dont l'alimentation, dont le logement... Il y a beaucoup d'articles comme la vitamine, par exemple. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'études qui montrent la vitamine C pour la polio, pour le tétanos. C'est une action très virulente. Et il y a des... Alors évidemment, je ne peux que conjecturer puisque ces études n'ont quasiment jamais été refaites. Donc c'est des gens dans les années 60 ou 40 et ils disaient, regardez, je crois que c'est la diphtérie 41, on disait j'ai réussi à arrêter tous les cas. Il y a aussi un exemple très intéressant, c'est le docteur Neveu qui soignait la poliomyélite avec le chlorure de magnésium. Donc j'ai fait tout un chapitre sur le chlorure de magnésium. Moi, je n'ai que la bonne foi du docteur Neveu. Oui, parce que là, ça fait un peu illuminé, c'est peut-être tout à fait vrai. Oui. Mais moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que j'ai tapé après polio avec des termes anglais, etc., pour savoir si chlorure, magnésium, oui, magnésium chloride, rien. Et donc je me dis, c'est quand même un peu bizarre. Et il y a quand même des articles, j'en parle, qui disent que le sulfate de magnésium et le chlorure de magnésium ont quand même des impacts sur la santé du tétanos, sur la survie, par exemple, pour les rats. Il y avait tout un tas de, à différents niveaux, à différents stades de tétanos, il avait réussi à sauver tous les groupes, même jusqu'au dernier stade de paralysé, en leur injectant alors c'était vitamine C ou je sais plus, mais en tout cas de soigner des maladies qu'on prétend insoignables. Est-ce que pour vous le conflit d'intérêts était vraiment une question importante dans cette question-là? Est-ce que ça explique en particulier la propagande pro-vaccin justement? Parce que vous avez l'air de dire que beaucoup d'études... J'essaye d'expliquer, sont oui. C'est pour ça, oui. Mais vous pouvez donner des... On a encore une minute ou deux ou trois exemples forts sur cette question. Oui, par exemple, c'est le... En fait, je parle des gens, mais je parle aussi des journaux. C'est carrément au niveau du journal. Ouais. Il y a des éditeurs en chef qui sont qui travaillent avec 25 boîtes. Rédacteurs en chef, oui. Exactement. Et qui sont dans les journaux les plus prestigieux. Oui. Et c'était pour le... Je crois que c'était pour le garde-asile. Il y a eu deux articles coup sur coup, donc en une et deux, les deux articles en une, qui disaient c'est extraordinaire, ça marche vachement bien. Oui. Et alors, ce journal est truffé de toutes sortes de conflits d'intérêts dans la publicité, dans plein de choses. Enfin, c'était lequel, vous ne vous souvenez pas? Parce que ça serait intéressant de donner les noms. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de... C'est le journal Le Lancet? En tout cas, c'est le... en fait, les deux journaux que j'épingle beaucoup, ce sont Le Lancet et le New England Journal of Donc, Medicine. Donc, pour vous, c'est l'industrie pharmaceutique tient bien. Donc, si vous vouliez un bon exemple, il y avait Wakefield, qui est un médecin qui a perdu sa licence parce qu'il a dit que le ROR pouvait... entraîner l'autisme. Oui. Et en fait, on avait des... Le directeur du Lancet était aussi au co... travaillait à GSK, donc GlaxoSmithKline. Et son frère, qui a été en charge des plaintifs, était donc le frère... C'est lui qui a géré les plaintes. D'accord. Donc, donc ça tourne bien ensemble. Bah, écoutez, merci. Merci Pierre-Jean Ardouin pour votre venue. Merci de m'avoir invité. Pourquoi vacciner? Sur pourquoivacciner.fr.